Et là, hier, ils ont affaire à un gars qui, dans un hôtel, fait du trouble avec un marteau, qui varge d'une porte de salle de bain à coups de marteau d'un hôtel, et qui, à un moment donné, se ramasse sur la rue. Les policiers essaient de le maîtriser. Le gars, évidemment, ils écoutent pas. Puis là, il a son marteau dans les mains, là. Puis ils disent de laisser tomber son marteau. Puis à un moment donné, il appelle à la centrale pour avoir du renfort. Parce que le gars, un marteau, tu peux faire du dégât en tabarouette avec ça, là. Oui, puis... pas un gun, mais c'est un marteau, là. Dans le contexte actuel où t'es policier, mais tu peux pas te servir de rien de ce que t'as autour de la ceinture... t'es aussi bien d'être 4-5, hein? T'es aussi bien d'être 7-8 avant de faire une intervention. Parce que tu sais qu'il y a tout le temps un carré rouge ou un hurluberlu pas trop loin, un enfant barbu de 32 ans, ouais, qui a pas encore travaillé dans sa vie, qui va filmer pour essayer de mal faire paraître, ouais, la police. Et le paraître est rendu plus important que n'importe quoi d'autre à Montréal pour la police. Il call du renfort pour un taser gun, mais là, il y a pas le temps d'arriver le policier qui a le taser gun, là. Fait que là, la policière, elle glisse, pis là, c'est là que le gars se dirige avec son marteau vers la policière. Elle est à terre, elle, là. Tu sais. Policier, tu sais. Ben voyons. Je te dis, le gars est mort. Il n'y a pas une enquête à faire là-dessus, là. C'est simple. Tu tentes de porter atteinte à l'autorité. T'es dangereux. Qu'est-ce que tu fais? Tu tires. Ça finit là. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas de scandale. Avez-vous des solutions, les grands génies, là? Il aurait dû faire quoi, le policier? Laisser le gars, là? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas parlé? Ben oui, le gars, il a un marteau, puis il se dirige vers la policière qui est à terre. Les grands génies de Montréal, vous auriez fait quoi avec ça, les grands intellos, là? Vous auriez fait quoi, vous autres, à la place du policier? Avec quel gars qui a un marteau dans les mains, que la policière qui est sur le cul? Là, on va nous... Faites quoi avec ça, là? Là, on va nous raconter la triste histoire du gars qui avait le marteau, là. Il y a eu une rupture difficile. J'en ai rien à foutre. Il a perdu sa job. J'en ai rien à foutre. Il était violenté quand c'était petit. Mais il demandait de l'amour, dans le fond, avec son marteau. Mais regarde, le taser gun, là, dans l'histoire, c'est pas banal. J'ai regardé les chiffres. Sais-tu combien qu'il y a de taser gun à Montréal? Combien? 37. Ouais. Ils ont 37 taser gun au SPVM. Mais c'est à Montréal, là. Moi, le taser gun, là, t'en as un vrai qui tire, là. Ouais, mais regarde, c'est à toi, hein? Non, mais regarde, le taser gun, c'est une belle arme pour paralyser un gars comme ça. Je comprends. C'est jamais le fun quand il y a des morts, là. Comprends ça, là. Ouais, mais un débile avec un marteau, comment veux-tu que j'aie de la sympathie? Ah, il attaquait une policière avec un marteau. On s'entend-tu que ça aurait été mieux que le gars meure pas, là? On peut-tu se le dire, là? Mais comme le policier n'a pas de taser gun, t'es obligé de tirer ta barouette, il rend... Mais ça, les Montréalais puis la gauche montréalaise, ils aiment pas ça, les taser gun. S'il fallait que tous les policiers du SPVM soit équipé d'un taser gun, mais là, qu'est-ce qui arriverait? Ça serait quoi, d'après toi, les articles qu'on lirait, puis les débats à Télé-Québec, puis ce serait pas beau, puis dans le devoir, ça serait, c'est quoi ça, les taser guns, on n'en veut pas de tout ça, ça tue du monde, puis... Mais branchez-vous, là, c'est parce que... Mais réalisez-vous que c'est votre gars, là, duquel vous avez pitié, à matin, là. Il serait pas mort, probablement, si ces policiers-là avaient eu un taser gun. Ils ont pris le gun parce qu'il n'y avait pas de taser gun, là. Comprenez-vous ça, là? Mais ça, pour des gauchistes à Montréal, des fois, c'est un petit peu difficile à comprendre. Là. On dirait que pour eux autres, le fait que le policier se serve d'une arme dans une situation controversée, il y a encore du monde qui pensait que les Villanueva jouaient au dé sur le trottoir. Il y a encore du monde qui pense ça pour vrai, là, en 2014. Là. Maintenant, l'autorité, hein? Ben, c'est ça. Mais, le taser gun, non, il n'y a pas question que nos policiers aient ça. Non, ils veulent des policiers avec des bouquets de fleurs. Ils veulent des policiers amis avec les... avec les criminels, c'est ça qu'ils veulent. Parce que la presse montréalaise. Il y a rien qui désarme plus un criminel qu'un beau sourire puis un bonjour. Hein? Même gars, que t'achètes la paix puis que tu baisses la criminalité. Avec un marteau, ben oui. Là, je t'annonce qu'il n'y a pas grand moyen de l'arrêter. Là. Monsieur, ça fait 6 fois que vous donnez des coups de marteau dans le crâne de ma collègue. Je vous inviterai à reculer des bouts de cervelle, je vous prie. On va se parler, on va vous aimer. Tu même ça marche? Écoute, 37 taser guns, là, juste pour vous donner un ordre de grandeur. Je sais pas combien il y a de policiers à Montréal, là, exactement. Mais à Québec, il y a 700 policiers. Fait qu'à Québec, c'est en milliers, les policiers. Comprends-tu? Fait que 37 taser guns pour des milliers de policiers, c'est ridicule. Ridicule. Ben, pas donner de taser guns, c'est d'accepter que dans des circonstances où un débile fout de l'autorité, il va se faire tirer dessus. Il va se faire tirer. Moi, j'accepte ça. Moi, sérieusement, là, j'accepte ça en tant que citoyen, moi. C'est difficile de second-guesser le policier, mais je vais accepter ça, mais en même temps, t'es obligé de te dire que ça aurait été mieux que le gars meure pas. Il aurait pu avec un taser gun le maîtriser, peut-être, là. Parce que je l'ai déjà essayé, le taser gun. Oui, j'ai été maîtrisé par les policiers. Puis ils l'ont essayé juste 3 secondes parce que j'avais rien fait. C'était rien que pour le tester. Et ça fait réfléchir le taser gun. Ça, ça se peut. 37 taser gun, ça revient à peu près à un par poste de quartier pour la police de Montréal. Il y a entre 30 et 40 postes de quartier. C'est ridicule. Ils sont des milliers de policiers au SPVM, ils ont 37 taser gun. La prochaine fois que les femmes sortent, tu peux les taser? Un coup de taser. Non, mais tu sais, c'est un cas parfait de taser gun, ce qu'on a eu hier. Ben oui. Ouais, le policier, il n'y a pas de taser gun parce qu'ils sont trop gauchistes. Il a pris son gun. Il a tiré dessus. C'est vrai qu'il fasse. Quand ils en veulent un, ils font quoi? Ils mettent leur nom sur le babillard au poste? Auriez-vous mieux qu'ils essayent de l'attaquer à coup de poing? Le gars avait un marteau dans les mains. Un marteau, il va dire, ouais, c'est pas un fusil. Excuse-moi, mais un marteau, tu fais du dégât. Tu défonces un crâne avec ça, c'est pas un concours, là. Non. C'est pas un concours. Tu niaises avec des gens qui portent l'uniforme pour faire respecter la loi et l'ordre. Moi, il faudrait que je te prenne en pitié. Non. Ah, c'est parce que là, il avait pris beaucoup de drogue. Ouais, pis. Ah, c'est parce que là, il passait un moment difficile. Ouais, pis. C'est notre faute en tant que société. Ouais, vas-tu falloir que je braille, moi, là. Excusez-moi, là, vous me trouvez peut-être frette un matin, là, mais moi, je commence à trouver qu'on nous mange sérieusement la laine sur le dos, les gens qui ont le respect de la loi et l'ordre, qui font rien pour se remettre dans le trouble, puis qui sont obligés d'endurer à tout bout de champ du monde. Tu sais, moi, je vous l'ai dit souvent, là. Le gars qui a fait une histoire dans le temps des fêtes, là, à Montréal, là, parce qu'un policier a menacé de l'attacher sur un poteau, là. Et voilà. Moi, je l'ai vu une fois puis un autre à Montréal. Puis il y a une fois, entre autres, là, où il donnait des coups de poing dans le vide en se parlant tout seul, là, puis qu'il a manqué pogner ma blonde sur le côté, là. Ah ouais, c'est le même. C'est le même gars, là. Des cas comme ça, là. Moi, je veux qu'un policier intervienne. Puis s'il faut utiliser la violence pour le calmer, puis pour l'arrêter, puis pour protéger le monde qui marche normalement dans une rue. Go! J'ai aucun problème avec ça. Go. Aucun. Go, c'est ça. Sinon, donnez-le des tasers. Puis en plus, puis je le rappelle, ces policiers-là travaillaient au coin Berry et Ontario. Ils travaillaient pas à Westmount. Je dis pas qu'il peut rien arriver à Westmount, là. Ou c'est à rue Bernard à Outremont. Mais calvaire, au moins ces policiers-là, qui ont le courage de travailler dans une des pires dompes au Canada, pouvez-vous lui donner un taser, s'il vous plaît, là? Changement de sujet, il y aura